Mon Auriole, deuxième partie, chapitre 2. C'était maintenant une question brûlante que celle des médecins dans Enval. Il s'était brusquement emparé du pays, de toute l'attention, de toute la passion des habitants. Jadis, les sources coulaient sous l'autorité du seul docteur Bonnefille. Entre les animosités inoffensives du remuant Latonne et du placide docteur Honorat. C'était bien autre chose à présent. Dès que le succès préparé pendant l'hiver par Andermatt se fut tout à fait dessiné, grâce au concours puissant de messieurs les professeurs Cloche, Maroussel et Rémuseau, qui avaient apporté chacun un contingent de 200 à 300 malades au moins, le docteur Latonne, inspecteur du nouvel établissement, était devenu un gros personnage, particulièrement patronné par le professeur Maroussel, dont il avait été l'élève et dont il imitait la tenue et les gestes. Du docteur Bonnefille, il n'était plus guère question. Rageant, exaspéré, déblatérant contre le mont Auriole, le vieux médecin restait tout le jour dans le vieil établissement, avec quelques vieux malades demeurés fidèles. Dans l'esprit de quelques clients, en effet, ils connaissaient seuls les propriétés véritables des eaux. Ils avaient, pour ainsi dire, leurs secrets, puisqu'ils les administraient officiellement depuis l'origine de la station. Le docteur Honorat ne conservait guère que la clientèle auvergnate. Il se contentait de cette fortune médiocre, en demeurant bien avec tout le monde, et se consolait en préférant de beaucoup les cartes et le vin blanc à la médecine. Il n'allait point cependant jusqu'à aimer ses confrères. Le docteur Latonne serait donc demeuré le grand augure de Mont Auriole, et si on avait vu apparaître un matin un tout petit homme, presque un nain, dont la grosse tête enfoncée entre les épaules, les gros yeux ronds et les grosses mains, faisait un être très bizarre. Ce nouveau médecin, M. Black, amené dans le pays par le professeur Rémuseau, s'était fait tout de suite remarquer par son excessive dévotion. Presque tous les matins, entre deux visites, il entrait quelques minutes à l'église, et presque tous les dimanches, il recevait la communion. Le curé, bientôt, lui fit avoir quelques malades, de vieilles filles, de pauvres gens qu'il soignait gratuitement, des dames pieuses qui demandaient conseil à leur directeur avant d'appeler un homme de science dont elles désiraient avant tout connaître les sentiments, la réserve et la pudeur professionnelle. Puis un jour, on annonça la venue de la princesse de Maldebourg, vieille altesse allemande, catholique très fervente, qui appela, le soir même de son arrivée, le docteur Black auprès d'elle, sur la recommandation d'un cardinal romain. De ce moment, il fut à la mode. Il était de bon goût, de bon ton, de grand chic, de se faire soigner par lui. « C'était le seul médecin comme il faut, disait-on, le seul en qui une femme put avoir entière confiance. » Et l'on vit courir d'un hôtel à l'autre, du matin au soir, ce petit homme à tête de bouledogue qui parlait bas, toujours, dans tous les coins, avec tout le monde. Il semblait avoir des secrets importants à confier ou à recevoir sans cesse, car on le rencontrait dans les corridors, en grande conférence mystérieuse, avec les patrons des hôtels, avec les femmes de chambre de ses clients, avec quiconque approchait ses malades. Dans la rue, dès qu'il apercevait une personne de sa connaissance, il allait droit à elle de son pas, court et rapide, et il se mettait aussitôt à marmotter des recommandations nouvelles et minutieuses à la façon d'un prêtre qui confesse. Les vieilles femmes, surtout, l'adoraient. Il écoutait leurs histoires jusqu'au bout, sans interrompre, prenait note de toutes leurs observations, de toutes leurs questions, de tous leurs désirs. Il augmentait ou diminuait chaque jour le dosage de l'eau bue par ses malades, ce qui leur donnait pleine confiance dans le souci qu'il prenait d'eux. « Nous en sommes restés hier à 2 verres 3/4, » disait-il. Eh bien, aujourd'hui, nous prendrons seulement 2,5 verres. Et demain, 3 verres. N'oubliez pas, demain, 3 verres. J'y tiens beaucoup, beaucoup. Et tous ces malades étaient convaincus qu'il y tenait beaucoup, en effet. Pour ne pas oublier ces chiffres et ces fractions de chiffres, il les inscrivait sur un calepin afin de ne jamais se tromper, car le client ne pardonne point une erreur d'un demi-verre. Il réglait et modifiait avec la même minutie la durée des bains quotidiens, en vertu de principes de lui seul connus. Le docteur Latonne, jaloux et exaspéré, haussait les épaules de dédain et déclarait « C'est un faiseur !» Sa haine contre le docteur Black l'avait même amené quelquefois jusqu'à médire des eaux minérales. « Puisque nous savons à peine comment elles agissent, il est bien impossible de prescrire quotidiennement des modifications de dosage qu'aucune loi thérapeutique ne peut réglementer. Ces procédés-là font le plus grand tort à la médecine. » Le docteur Honora se contentait de sourire. Il avait toujours soin d'oublier 5 minutes après une consultation le nombre de verres qu'il venait d'ordonner. « 2 de plus ou 2 moins, disait-il à Gontran en ses heures de gaieté, il n'y a que la source pour s'en apercevoir. Et encore, ça ne la gêne guère. » La seule plaisanterie méchante qu'il se permit sur son religieux confrère consistait à l'appeler le médecin du saint bain de siège. Il avait la jalousie prudente, narquoise et tranquille. Il ajoutait quelquefois « Oh, celui-là, il connaît le malade à fond, et ça vaut encore mieux pour nous que de connaître la maladie. » Mais voilà qu'un matin, arriva à l'hôtel du Mont Oriol une noble famille espagnole, le duc et la duchesse de Rama Aldavara, qui amenait avec elle son médecin, un Italien, le docteur Maselli de Milan. C'était un homme de 30 ans, grand, mince, très joli garçon, portant moustache seulement. Dès le premier soir, il fit la conquête de la table d'hôte, car le duc, homme triste, atteint d'une obésité monstrueuse, avait horreur de l'isolement et voulait manger dans la salle commune. Le docteur Maselli connaissait déjà par leur nom presque tous les habitués. Il eut un mot aimable pour chaque homme, un compliment pour chaque femme, un sourire même pour chaque domestique. Placé à la droite de la duchesse, une belle personne entre 35 et 40 ans, au teint pâle, aux yeux noirs, aux cheveux bleuâtres, il lui disait à chaque plat « Très peu !» ou bien « Non, pas ceci !» ou bien « Oui, mangez de cela !» Et il lui versait lui-même à boire avec un soin très grand, en mesurant bien exactement les proportions de vin et d'eau qu'il mélangeait. Il gouvernait aussi les nourritures du duc, mais avec une négligence visible. Le client, d'ailleurs, ne tenait aucun compte de ses avis, dévorait tout avec une voracité bestiale, buvait à chaque repas 2 carafes de vin pur, puis allait s'abattre sur une chaise, à l'air, devant la porte de l'hôtel, et se mettait à geindre de peine en se lamentant sur ses digestions. Après le premier dîner, le docteur Maselli, qui avait jugé et pesé tout son monde d'un coup d'œil, alla rejoindre sur la terrasse du casino Gontran qui fumait un cigare, se nomma et se mit à causer. Au bout d'une heure, ils étaient intimes. Le lendemain, à la sortie du bain, il se fit présenter à Christiane, dont il gagna la sympathie en 10 minutes de conversation, et la mit en relation le jour même avec la duchesse, qui n'aimait point non plus la solitude. Il veillait à tout dans la maison des Espagnols, donnait au chef d'excellents conseils sur la cuisine, à la femme de chambre des avis précieux sur l'hygiène de la tête pour conserver aux cheveux de sa maîtresse leur brillant, leur nuance superbe et leur abondance, au cocher des renseignements fort utiles de médecine vétérinaire, et il savait rendre les heures courtes et légères, inventer des distractions, Trouver dans les hôtels des connaissances de passage, toujours choisies avec discernement. La duchesse disait à Christiane, en parlant de lui, « C'est un homme merveilleux, chère madame. Il sait tout, il fait tout. C'est à lui que je dois ma taille. » « Comment votre taille ?»« Oui, je commençais à engraisser, et il m'a sauvée avec son régime et ses liqueurs. » Il savait d'ailleurs rendre intéressante la médecine elle-même, tant il en parlait avec aisance, avec gaieté, et avec un scepticisme léger qui lui servait à convaincre ses auditeurs de sa supériorité. « C'est bien simple, disait-il. Je ne crois pas aux remèdes, ou plutôt je n'y crois guère. La vieille médecine partait de ce principe qu'il y a remède à tout. Dieu, croyait-on, dans sa divine mansuétude, avait créé des drogues pour tous les maux. Seulement, il avait laissé aux hommes, par malice peut-être, le soin de découvrir ces drogues. Or, les hommes en ont découvert un nombre incalculable, sans jamais savoir au juste à quel mal convient chacune. En vérité, il n'y a pas de remède. Il y a seulement des maladies. Quand une maladie se déclare, il faut en interrompre le cours, suivant les uns, le précipiter, suivant les autres, par un moyen quelconque. Chaque école préconise son procédé. Dans le même cas, on voit employer les méthodes les plus contraires et les médications les plus opposées. La glace par l'un et l'extrême chaleur par l'autre. La diète par celui-ci et la nourriture forcée par celui-là. Je ne parle pas des innombrables produits vénéneux tirés des minéraux ou des végétaux que la chimie nous procure. Tout cela agit, il est vrai, mais personne ne sait comment. Quelquefois ça réussit et quelquefois ça tue. Et avec beaucoup de verve, il indiquait l'impossibilité d'une certitude, l'absence de toute base scientifique tant que la chimie organique, la chimie biologique, ne serait pas devenue le point de départ d'une médecine nouvelle. Il racontait des anecdotes, des erreurs monstrueuses des plus grands médecins, prouvait l'insanité et la fausseté de leur prétendue science. « Faites fonctionner le corps, disait-il. Faites fonctionner la peau, les muscles, tous les organes, et surtout l'estomac, qui est le père nourricier de la machine entière, son régulateur et son magasin de vie. » Il affirmait qu'à son gré, rien que par le régime, il pouvait rendre les gens gais ou tristes, capables de travaux physiques ou de travaux intellectuels, selon la nature de l'alimentation qu'il leur imposait. Il pouvait même agir sur les facultés cérébrales, sur la mémoire, sur l'imagination, sur toutes les manifestations de l'intelligence. Et il terminait en plaisantant par ces mots « Moi, je soigne par le massage et le curasso. » Il disait merveille du massage et parlait comme d'un dieu du Hollandais Armstrong qui accomplissait des miracles. Puis, montrant ses mains fines et blanches. « Avec ça, on peut ressusciter les morts !» Et la duchesse ajoutait « Le fait est qu'il masse dans la perfection. » Il préconisait aussi les alcools, en petites proportions, pour exciter l'estomac à certains moments. Et il faisait des mélanges savamment combinés que la duchesse devait boire, à heure fixe, soit avant, soit après ses repas. On le voyait chaque jour arriver au café du casino vers 9h30 et demander ses bouteilles. On les lui apportait, fermées par de petits cadenas d'argent dont il avait la clé. Il versait un peu de l'une, un peu de l'autre, lentement, dans un verre bleu fort joli que tenait avec respect un valet de pied très correct. Puis le docteur ordonnait « Voilà, portez à la duchesse, dans son bain, pour boire avant de s'habiller, en sortant de l'eau. » Et quand on lui demandait avec curiosité « Qu'est-ce que vous avez là-dedans ?» Il répondait « Rien que de l'anisette fine, du curaçao très pur et du bitter excellent. » ce beau médecin, en quelques jours, devint le point de mire de tous les malades, et toutes les ruses étaient employées pour lui arracher quelques avis. Quand il passait par les allées du parc, à l'heure de la promenade, on n'entendait que ce cri « Docteur !» sur toutes les chaises où étaient assises les belles dames, les jeunes dames qui se reposaient un peu entre deux verres de la source christiane. Puis, lorsqu'il s'était arrêté, un sourire sur la lèvre, on l'entraînait quelques instants dans le petit chemin qui longeait la rivière. On lui parlait d'abord de choses et d'autres, puis discrètement, adroitement, coquettement, on arrivait à la question de santé, mais d'une façon indifférente, comme si on eût touché à un fait divers. Car il n'était point, celui-là, à la dévotion du public. On ne le payait pas. On ne pouvait l'appeler chez soi. Il appartenait à la duchesse, rien qu'à la duchesse. Cette situation même excitait les efforts, irritait les désirs. Et comme on affirmait tout bas que la duchesse était jalouse, très jalouse, ce fut entre toutes ces dames une lutte acharnée pour obtenir les conseils du joli docteur italien. Il les donnait sans se faire trop prier. Alors, entre les femmes qu'il avait favorisées de ses avis, commença le jeu des confidences intimes pour bien prouver sa sollicitude. « Oh, ma chère, il m'a fait des questions, mais des questions !»« Très indiscrètes ?»« Oh, indiscrètes, dites effrayantes, je ne savais absolument que répondre, il voulait savoir des choses, mais des choses !»« C'est comme moi, il m'a beaucoup interrogée sur mon mari. »« Moi aussi !» Avec des détails si personnels. C'est fort gênant, ces questions-là. Cependant, on comprend bien que c'est nécessaire. Oh, tout à fait. La santé dépend de ces menus détails. Moi, il m'a promis de me masser à Paris cet hiver. J'en ai grand besoin pour compléter le traitement d'ici. Dites, ma chère, que comptez-vous faire? On ne peut pas le payer. « Mon Dieu, j'avais l'intention de lui donner une épingle de cravate. Il doit les aimer, car il en a déjà deux ou trois, fort jolies. »« Oh, comme vous m'embarrassez, la même idée m'était venue. Alors je lui donnerai une bague. » Et on complotait des surprises pour lui plaire, des cadeaux ingénieux pour le toucher, des gentillesses pour le séduire. Il était devenu le bruit du jour, le grand sujet de conversation, le seul objet de l'attention publique. Quand se répandit la nouvelle que le comte Gontran de Ravenel faisait la cour à Charlotte Auriol pour l'épouser. Et ce fut aussitôt dans Enval une assourdissante rumeur. Depuis le soir où il avait ouvert avec elle le bal d'inauguration du casino, Gontran s'était attaché à la robe de la jeune fille. Il avait pour elle, en public, tous les menus soins des hommes qui veulent plaire sans cacher leur vue. Et leurs relations ordinaires prenaient en même temps un caractère de galanterie enjouée et naturelle qui devait les conduire au sentiment. Ils se voyaient presque chaque jour, car les fillettes s'étaient prises pour Christiane d'une excessive amitié, où entrait sans doute beaucoup de vanité flattée. Gontran, tout à coup, ne quitta plus sa sœur, et il se mit à organiser des parties pour le matin et des jeux pour le soir, dont s'étonnèrent beaucoup Christiane et Paul. Puis on s'aperçut qu'il s'occupait de Charlotte. Il la taquinait avec gaieté, la complimentait sans en avoir l'air, lui montrait ses mille attentions légères qui nouent entre deux êtres des liens de tendresse. La jeune fille, accoutumée déjà aux manières libres et familières de ce gamin du monde parisien, ne remarqua rien d'abord, et se laissant aller à sa nature confiante et droite, elle se mit à rire et à jouer avec lui comme elle eût fait avec un frère. Or, Elle rentrait avec sa sœur aînée après une soirée à l'hôtel où Gontran, plusieurs fois, avait essayé de l'embrasser à la suite de gages donnés dans une partie de pigeon-vol. Quand Louise, qui semblait soucieuse et nerveuse depuis quelque temps, lui dit d'un ton brusque « Tu ferais bien de veiller un peu à ta tenue. Monsieur Gontran n'est pas convenable avec toi. »« Pas convenable ? Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Tu le sais bien, ne fais pas la niaise. Il ne faudrait pas longtemps pour te laisser convaincre de cette façon-là. Et si tu ne sais pas veiller sur ta conduite, c'est à moi d'y faire attention. » Charlotte, confuse, honteuse, balbutia. « Mais je ne sais pas, je t'assure, je n'ai rien vu. » Sa sœur reprit avec sévérité. « Écoute, il ne faut pas que ça continue ainsi. S'il veut t'épouser, c'est à papa de réfléchir et de répondre. Mais s'il veut seulement plaisanter, il faut qu'il cesse tout de suite. » Alors, brusquement, Charlotte se fâcha, sans savoir pourquoi, sans savoir de quoi. Elle était révoltée, maintenant que sa sœur se mêla de la diriger et de la réprimander. Et elle lui déclara, la voix tremblante et les larmes aux yeux, qu'elle eut à ne jamais s'occuper de ce qui ne la regardait pas. Elle bégayait et exaspérait, prévenue par un instinct vague et sûr de la jalousie éveillée dans le cœur aigri de Louise. Elles se quittèrent sans s'embrasser, et Charlotte pleura dans son lit, en pensant à des choses qu'elle n'avait jamais prévues ni devinées. Peu à peu, ses larmes s'arrêtèrent, et elle réfléchit. C'était vrai, pourtant, que les manières de Gontran étaient changées. Elle l'avait senti jusqu'ici, sans le comprendre. Elle le comprenait à présent. Il lui disait, à tout propos, des choses gentilles, délicates. Il lui avait baisé la main une fois. Que voulait-il ? Elle lui plaisait, mais jusqu'à quel point ? Est-ce que, par hasard, il se pourrait qu'il l'épousât ? Et aussitôt, il lui sembla entendre, dans l'air, quelque part, dans la nuit vide où commençaient à voltiger ses rêves, une voix qui criait « Comtesse de Ravenel !» L'émotion fut si forte qu'elle s'assit dans son lit. Puis elle chercha, avec ses pieds nus, ses pantoufles sous la chaise où elle avait jeté ses robes, et elle alla ouvrir la fenêtre, sans savoir ce qu'elle faisait, pour donner de l'espace à ses espérances. Elle entendit qu'on parlait dans la salle du bas, et la voix de Colosse s'éleva. « Lèche, lèche, il sera temps de voir. Le pailleré arrangera ça, il n'y a pas de mal jusqu'ici. C'est le pailleré qui fera la chose. » Elle voyait sur la maison d'en face le carré blanc de la fenêtre éclairée au-dessous d'elle. Elle se demandait « Qui donc est là ? De quoi parle-t-il ? » Une ombre passa sur le mur lumineux. C'était sa sœur. Elle n'était donc pas couchée. Pourquoi ? Mais la lumière s'éteignit et Charlotte se remit à songer aux choses nouvelles qui remuaient dans son cœur. Elle ne pouvait pas s'endormir maintenant. L'aimait-il ? Oh non, pas encore. Mais il pouvait l'aimer puisqu'elle lui plaisait. Et s'il arrivait à l'aimer beaucoup, éperdument, comme on aime dans le monde, il l'épouserait sans aucun doute. Née dans une maison de vignerons, elle avait gardé, bien qu'élevée dans le couvent des demoiselles de Clermont, une modestie et une humilité de paysanne. Elle pensait qu'elle aurait pour mari un notaire, peut-être, ou un avocat, ou un médecin. Mais l'envie de devenir une vraie dame du grand monde, avec un titre de noblesse devant son nom, ne l'avait jamais pénétrée. À peine en achevant un roman d'amour, avait-elle rêvassé quelques minutes sous l'effleurement de ce joli désir, qui s'était aussitôt envolé de son âme, comme s'envolent les chimères. Or, voilà que cette chose imprévue, impossible, évoquée tout à coup par quelques paroles de sa sœur, lui semblait se rapprocher d'elle, à la façon d'une voile de navire que pousse le vent. Elle murmurait entre ses lèvres, avec chaque souffle en respirant, « Comtesse de Ravenel !» et le noir de ses paupières fermées dans la nuit s'éclairait de vision. Elle voyait de beaux salons illuminés, de belles dames qui lui souriaient, de belles voitures qui l'attendaient devant le perron d'un château, et de grands domestiques en livrée, inclinés sur son passage. Elle avait chaud dans son lit, son cœur battait. Elle se releva une seconde fois pour boire un verre d'eau, et restait debout quelques instants, nu-pied, sur le pavé froid de sa chambre. Puis, un peu calmée, elle finit par s'endormir. Mais elle s'éveilla dès l'aurore, tant l'agitation de son esprit avait passé dans ses veines. Elle eut honte de sa petite chambre aux murs blancs, peints à l'eau par le vitrier du pays, de ses pauvres rideaux d'indienne et des deux chaises de paille qui ne quittaient jamais leur place aux deux coins de sa commode. Elle se sentait paysanne au milieu de ces meubles de rustre qui disaient son origine. Elle se sentait humble, indigne de ce beau garçon moqueur dont la figure blonde et rieuse flottait devant ses yeux, s'effaçait puis revenait, s'emparait d'elle peu à peu, se logeait déjà dans son cœur. Alors elle sauta du lit et courut chercher sa glace, sa petite glace de toilette, grande comme le fond d'une assiette. Puis elle revint se coucher, son miroir entre les mains, et elle regarda son visage au milieu de ses cheveux défaits, sur le fond blanc de l'oreiller. Parfois, elle posait sur ses draps le léger morceau de verre qui lui montrait son image, et elle songeait combien ce mariage serait difficile, tant étaient grandes les distances entre eux. Alors un gros chagrin lui serrait la gorge. Mais aussitôt, elle se regardait de nouveau en se souriant pour se plaire. Et comme elle se jugeait gentille, les difficultés disparaissaient. Quand elle descendit pour déjeuner, sa sœur, qui avait l'air irritée, lui demanda « Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui ?» Charlotte répondit sans hésiter « Est-ce que nous n'allons pas en voiture à Roya avec Madame Andermatt ?» Louise répondit « Tu iras seule alors. » « Mais tu ferais mieux après ce que je t'ai dit hier soir. » La petite lui coupa la parole. « Je ne te demande pas de conseils. Mêle-toi de ce qui te regarde. » Et elles ne se parlèrent plus. Le père Auriol et Jacques arrivèrent et se mirent à table. Le vieux demanda presque aussitôt. « Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, petite ?» Charlotte n'attendit point que sa sœur répondît. « Moi, je vais à Roya avec Madame Andermatt. » Les deux hommes la regardèrent d'un air satisfait, et le père murmura avec ce sourire engageant qu'il avait en traitant les affaires avantageuses. « C'est bon, c'est bon. » Elle fut plus surprise de ce contentement secret, deviné dans toute leur allure, que de la colère visible de Louise. Et elle se demanda, un peu troublée, est-ce qu'ils auraient causé de ça tous ensemble? Aussitôt le repas fini, elle remonta dans sa chambre, mit son chapeau, prit son ombrelle, jeta sur son bras un manteau léger, et elle s'en alla vers l'hôtel, car on devait partir dès 1h30. Christiane s'étonna que Louise ne vint point. Charlotte se sentit rougir en répondant « Elle est un peu fatiguée, je crois qu'elle a mal à la tête. » Et on monta dans le landau, dans le grand landau à 6 places dont on se servait toujours. Le marquis et sa fille tenaient le fond, la petite Auriol se trouva donc assise entre les deux jeunes gens à reculons. On passa devant Tournoël, puis on suivit le pied de la montagne sur une belle route, serpentant sous les noyers et les châtaigniers. Charlotte, plusieurs fois, remarqua que Gontran se serrait contre elle, mais avec trop de prudence pour qu'elle pût s'en offenser. Comme il était assis à sa droite, il lui parlait tout près de la joue, et elle n'osait pas se retourner pour lui répondre, par crainte du souffle de sa bouche qu'elle sentait déjà sur ses lèvres, et par crainte aussi de ses yeux, dont le regard l'aurait gênée. Il lui disait des gamineries galantes, des niaiseries drôles, des compliments plaisants et gentils. Christiane ne parlait guère, alourdie, malade de sa grossesse. Et Paul semblait triste, préoccupé. Seul, le marquis causait sans trouble et sans souci, avec sa bonne grâce enjouée de vieux gentilhomme égoïste. On descendit au parc de Roya pour écouter la musique, et Gontran, prenant le bras de Charlotte, partit avec elle en avant. L'armée de baigneurs, sur les chaises, autour du kiosque où le chef d'orchestre battait la mesure au cuivre et au violon, regardait défiler les promeneurs. Les femmes montraient leurs robes, leurs pieds allongés jusqu'aux barreaux de la chaise voisine, leurs fraîches coiffures d'été qui les faisaient plus charmantes. Charlotte et Gontran erraient entre les gens assis, cherchant des figures comiques pour exciter leurs plaisanteries. Il entendit à tout instant qu'on disait derrière eux « Tiens, une jolie personne !» Il était flatté et se demandait si on la prenait pour sa sœur, pour femme ou pour sa maîtresse. Christiane, assise entre son père et Paul, les fit passer plusieurs fois, et trouvant qu'ils avaient l'air un peu jeunes, elle les appelait pour les calmer. Mais ils ne l'écoutaient point et continuaient à vagabonder dans la foule en s'amusant de tout leur cœur. Elle dit tout bas à Paul Bretigny « Il finirait par la compromettre. Il faudra que nous lui parlions ce soir en rentrant. » Paul répondit « J'y avais déjà songé. Vous avez tout à fait raison. » On alla dîner dans un des restaurants de Clermont-Ferrand. Ceux de Roya ne valant rien, ou dire du marquis qui était gourmand. Et on rentra, la nuit tombée. Charlotte était devenue sérieuse, Gontran lui ayant fortement serré la main en lui donnant ses gants pour quitter la table. Sa conscience de fillette s'inquiétait tout à coup. C'était un aveu, cela, une démarche, une inconvenance. Qu'aurait-elle dû faire? Lui parler? Mais quoi lui dire? Se fâcher eût été ridicule. Il fallait tant de tact dans ces circonstances-là. Mais en ne faisant rien, en ne disant rien, elle avait l'air d'accepter son avance, de devenir sa complice, de répondre oui à cette pression de main. Et elle pesait la situation, s'accusant d'avoir été trop gaie et trop familière à Roya, trouvant à présent que sa sœur avait raison, qu'elle s'était compromise, perdue. La voiture roulait sur la route. Paul et Gontran fumaient en silence, le marquis dormait, Christiane regardait les étoiles. Et Charlotte retenait à grand-peine ses larmes, car elle avait bu 3 verres de champagne. Lorsqu'on fut revenu, Christiane dit à son père « Comme il est nuit, tu vas reconduire la jeune fille. » Le marquis offrit son bras et s'éloigna aussitôt avec elle. Paul prit Gontran par les épaules et lui murmura dans l'oreille « Viens causer 5 minutes avec ta sœur et avec moi. » Et ils montèrent dans le petit salon communiquant avec les chambres d'Andermatt et de sa femme. Dès qu'ils furent assis, « Écoute, » dit Christiane, « Monsieur Paul et moi, nous voulons te faire de la morale. »« De la morale? Mais à propos de quoi? Je suis sage comme une image, faute d'occasion. » « Ne plaisante pas. Tu fais une chose très imprudente et très dangereuse sans y penser. Tu compromets cette petite. » Il parut fort étonné. « Qui ça? Charlotte? » « Oui, Charlotte. » « Je compromets Charlotte, moi. » « Oui, tu la compromets. Tout le monde en parle ici, et tantôt encore dans le parc de Roya. Vous avez été bien... « Léger, n'est-ce pas, Bretigny ?» Paul répondit « Oui, madame, je partage tout à fait votre sentiment. » Gontran tourna sa chaise, l'enfourcha comme un cheval, prit un nouveau cigare, l'alluma, puis se mit à rire. « Ah, donc, je compromets Charlotte Auriol !» Il attendit quelques secondes pour voir l'effet de sa réponse, puis déclara « Eh bien !» « Qu'est-ce qui vous dit que je ne veux pas l'épouser ?» Christiane fit un sursaut de stupéfaction. « L'épouser? Toi? Mais tu es fou !»« Pourquoi ça? Cette petite paysanne. Tralala, des préjugés. Est-ce ton mari qui te les apprend ? Comme elle ne répondit rien à cet argument direct, il reprit, faisant lui-même les demandes et les réponses. « Est-elle jolie ? Oui. Est-elle bien élevée ? Oui. Et plus naïve, et plus gentille, et plus simple, et plus franche que les filles du monde. Elle en sait autant qu'une autre, car elle parle anglais et auvergnat, ce qui fait deux langues étrangères. Elle sera riche autant qu'une héritière du ci-devant Faubourg Saint-Germain, qu'on devrait baptiser Faubourg de Sainte-Dèche. Et enfin, si elle est fille d'un paysan, elle n'en sera que plus saine pour me donner de beaux enfants. Voilà !» Comme il avait toujours l'air de rire et de plaisanter, Christiane demanda en plaisantant « Voyons, parles-tu sérieusement ? Eh, parbleu, elle est charmante, cette fillette. Elle a bon cœur et jolie figure, gai caractère et belle humeur, la joue rose, l'œil clair, la dent blanche, la lèvre rouge, le cheveu long, luisant, épais et souple. Et son vigneron de père sera riche comme un Crésus, grâce à ton mari, ma chère sœur. Que veux-tu de plus ? Fille d'un paysan ! Eh bien, la fille d'un paysan ne vaut-elle pas toutes les filles de la finance véreuse, qui payent si cher des ducs douteux, et toutes les filles de la cocotterie titrée que nous a donné l'Empire ? Et toutes les filles à double père qu'on rencontre dans la société ? Mais si je l'épousais, cette fille-là, je ferais le premier acte sage et raisonnable de ma vie. » Christiane réfléchissait, puis, soudain, convaincue, conquise, ravie, elle s'écria. « Mais c'est vrai tout ce qu'il dit. C'est tout à fait vrai, tout à fait juste. Alors, tu l'épouses, mon petit Gontran ?» Ce fut lui, alors, qui la calma. « Pas si vite, pas si vite. Laisse-moi réfléchir à mon tour. Je constate seulement, si je l'épousais, je ferais le premier acte sage et raisonnable de ma vie. Ça ne veut pas dire encore que je l'épouserais, mais j'y songe, je l'étudie, je lui fais un peu la cour pour voir si elle me plaira tout à fait. Enfin, je ne te réponds ni oui ni non. » Mais c'est plus près de oui que de non. Christiane se tourna vers Paul. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Bretigny ? Elle l'appelait tantôt monsieur Bretigny et tantôt Bretigny tout court. Lui, toujours séduit par les choses où il croyait voir de la grandeur, par des mésalliances qui lui paraissaient généreuses, par tout l'apparat sentimental où se cache le cœur humain, répondit. Moi, je trouve qu'il a raison maintenant. Si elle lui plaît, qu'il l'épouse, il ne pourrait trouver mieux. Mais le marquis et Andermatt rentraient, qui les firent parler d'autre chose. Et les deux jeunes gens allèrent au casino voir si la salle de jeu n'était pas encore fermée. À dater de ce jour, Christiane et Paul semblèrent favoriser la cour ouverte que Gontran faisait à Charlotte. On invitait plus souvent la jeune fille, on la gardait à dîner, on la traitait enfin comme si elle eût fait déjà partie de la famille. Elle voyait bien tout cela, le comprenait, s'en affolait. Sa petite tête battait les champs et bâtissait en Espagne de fantastiques palais. Gontran, cependant, ne lui avait rien dit. Mais son allure, toutes ses paroles, le ton qu'il prenait avec elle, son air de galanterie plus sérieuse, la caresse de son regard, semblait lui répéter chaque jour « Je vous ai choisi, vous serez ma femme. » Et le ton d'amitié douce, d'abandon discret, de réserve chaste qu'elle avait maintenant avec lui, semblait répondre « Je le sais et je dirai oui quand vous demanderez ma main. » Dans la famille de la jeune fille, on chuchotait. Louise ne lui parlait plus guère que pour l'irriter par des allusions blessantes, par des paroles aigres et mordantes. le père Auriol et Jacques semblaient contents. Elle ne s'était point demandé cependant si elle aimait ce joli prétendant dont elle serait sans doute la femme. Il lui plaisait. Elle songeait à lui sans cesse. Elle le trouvait beau, spirituel, élégant. Elle pensait surtout à ce qu'elle ferait quand il l'aurait épousée. Dans Enval, on avait oublié les rivalités haineuses des médecins et des propriétaires des sources, les suppositions sur l'affection de la duchesse de Rama pour son protecteur, tous les potins qui coulent avec l'eau des stations thermales, pour ne s'occuper que de cette chose extraordinaire, le comte Gontran de Ravenel allait épouser la petite Auriol. Alors, Gontran jugea le moment venu, et prenant Andermatt par le bras, un matin, au sortir de table, il lui dit « Mon cher, le fer est chaud, battez-le. Voici la situation bien exacte. La petite attend ma demande sans que je me sois avancé en rien. Mais elle ne la repoussera pas, soyez-en sûr. C'est le père qu'il faut tâter de telle sorte que nous fassions en même temps vos affaires et les miennes. » Andermatt répondit « Soyez tranquille, je m'en charge. Je vais le sonder aujourd'hui même, sans vous compromettre et sans vous avancer. Et quand la situation sera bien nette, je parlerai. » « Parfait !» Puis, après quelques instants de silence, Gontran reprit. « Tenez, c'est peut-être ma dernière journée de garçon. Je vais à Roya, où j'ai aperçu l'autre jour quelques connaissances. Je rentrerai dans la nuit, et j'irai frapper à votre porte pour savoir. » Il fit seller son cheval et s'en alla par la montagne, humant le vent, pur et léger, et galopant par moments pour sentir la rapide caresse de l'air, effleurer la peau fraîche de ses joues et chatouiller ses moustaches. La soirée à Roya fut gaie. Il y rencontra des amis que des filles accompagnaient. On soupa longtemps, il revint fort tard. Tout le monde reposait dans l'hôtel du Mont Auriol quand Gontran se mit à frapper à la porte d'Andermatt. Personne ne répondit d'abord. Puis, comme les coups devenaient violents, une voix enrouée, une voix de dormeur, grommela de l'intérieur. « Qui est là ?»« C'est moi, Gontran !»« Attendez, j'ouvre !» Andermatt apparut en chemise de nuit, la face bouffie, le poil du menton hérissé, la tête enveloppée d'un foulard. Puis il se remit dans son lit, s'assit et les mains étendues sur le drap. « Eh bien, mon cher, ça ne va pas. Voici la situation. J'ai sondé ce vieux renard d'Auriol, sans parler de vous, en disant qu'un de mes amis. J'ai peut-être laissé comprendre qu'il s'agissait de Paul Bretigny. Vous pourrez convenir à une de ses filles. Et j'ai demandé quelle dot il leur donnait. Il m'a répondu en demandant à son tour quelle était la fortune du jeune homme. Et j'ai fixé 300 000 francs avec des espérances. « Mais je n'ai rien !» murmura Gontran. « Je vous les prête, mon cher. Si nous faisons ensemble cette affaire-là, vos terrains me donneront assez pour me rembourser. » Gontran ricana. « Fort bien, j'aurai la femme et vous l'argent. » Mais Andermatt se fâcha tout à fait. « Si je m'occupe de vous pour que vous m'insultiez, c'est fini, brisons-la. » Gontran s'excusa. « Ne vous fâchez pas, mon cher, et pardonnez-moi. Je sais que vous êtes un fort honnête homme, d'une irréprochable loyauté en affaires. Je ne vous demanderai pas un pourboire si j'étais votre cocher. » « Mais je vous confierais ma fortune si j'étais millionnaire. » William, calmé, reprit. « Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Terminons à présent la grosse question. Le vieux n'a pas été dupe de mes ruses et m'a répondu « C'est selon de laquelle il s'agit. Si c'est de Louise, l'aînée, voilà sa dot. » Et il m'a énuméré toutes les terres qui entourent l'établissement. Celle qui relie les bains à l'hôtel et l'hôtel au casino. Toutes celles, enfin, qui nous sont indispensables. Celles qui ont pour moi une inestimable valeur. il donne au contraire à la cadette l'autre côté du mot, qui vaudra aussi beaucoup d'argent plus tard, sans doute, mais qui ne vaut rien pour moi. J'ai cherché par tous les moyens possibles à lui faire modifier cette répartition et à intervenir les lots. Je me suis heurté à un entêtement de mulet. Il ne changera pas, c'est décidé. Réfléchissez. Qu'en pensez-vous ? Gontran, fort troublé, fort perplexe, répondit « Qu'en pensez-vous vous-même ? Croyez-vous qu'il ait songé à moi en faisant ainsi les parts ?»« Je n'en doute pas. » Le rustre s'est dit « Puisque la petite lui plaît, gardons le sac. » Il a espéré vous donner sa fille en conservant ses meilleures terres. Et puis, peut-être a-t-il voulu avantager l'aînée. Il la préfère. Qui sait, elle lui ressemble davantage. Elle est plus rusée, plus adroite, plus pratique. Je la crois forte, cette gamine-là. Moi, à votre place, je changerais mon bâton d'épaule. » Mais Gontran, abasourdi, murmurait « Diable ! Diable ! Diable ! Et les terres de Charlotte ? Vous n'en voulez pas, vous ?» Andermatt s'écria « Moi ? Oh non, mille fois non ! Il me faut celle qui relie mes bains, mon hôtel et mon casino. C'est bien simple, je ne donnerai rien des autres, qui ne pourront se vendre que plus tard, par petits lots, à des particuliers. » Gontran répétait toujours « Diable ! Diable ! En voilà une affaire embêtante. Alors, vous me conseillez ?»« Je ne vous conseille rien. Je pense que vous ferez bien de réfléchir avant de vous décider entre les deux sœurs. » « Oui, oui, c'est juste. Je réfléchirai. Je vais dormir d'abord. Ça porte conseil. » Il se levait. Andermatt le retint. « Pardon, mon cher, deux mots sur une autre chose. J'ai l'air de ne pas comprendre, mais je comprends très bien les allusions dont vous me piquez sans cesse, et je n'en veux plus. Vous me reprochez d'être juif, c'est-à-dire de gagner de l'argent, d'être avare, d'être spéculateur, à friser la filouterie. Or, mon cher, je passe ma vie à vous prêter cet argent que je gagne non sans peine, c'est-à-dire à vous le donner. Enfin, laissons. Mais il y a un point que je n'admets pas. Non, je ne suis point un avare. La preuve, c'est que je fais à votre sœur des cadeaux de 20 000 francs, que j'ai donné à votre père un Théodore Rousseau de 10 000 francs dont il avait envie, que je vous ai offert en venant ici le cheval sur lequel vous avez été à Roya tantôt. En quoi donc suis-je avare ? En ceci que je ne me laisse pas voler. Et nous sommes tous comme ça dans ma race, et nous avons raison. Monsieur, je veux vous le dire une fois pour toutes. On nous traite d'avare parce que nous savons la valeur exacte des choses. Pour vous, un piano, c'est un piano. Une chaise, c'est une chaise. Un pantalon, c'est un pantalon. Pour nous aussi. Mais cela représente en même temps une valeur marchande, appréciable et précise, qu'un homme pratique doit évaluer d'un seul coup d'œil, non point par économie, mais pour ne pas favoriser la fraude. Que diriez-vous si une débitante de tabac vous demandait 4 sous d'un timbre-poste ou d'une boîte d'allumettes-bougies ? Vous iriez chercher un sergent de ville, monsieur, pour 1 sou, oui, pour 1 sou, tant vous seriez indigné. Et cela parce que vous connaissez, par hasard, la valeur de ces 2 objets. Eh bien, moi, je sais la valeur de tous les objets traficables. Et cette indignation qui vous saisirait si on réclamait 4 sous sur un timbre-poste, je l'éprouve quand on me demande 20 francs pour un parapluie qui en vaut 15. Comprenez-vous ? Je proteste contre le vol établi, incessant, abominable des marchands, des domestiques, des cochers. Je proteste contre l'improbité commerciale de toute votre race qui nous méprise. Je donne le pourboire que je dois donner relatif au service rendu, et non le pourboire de fantaisie que vous jetez, sans savoir pourquoi, et qui va de 5 sous à 100 sous selon le caprice de votre humeur. Comprenez-vous ? Gontran s'était levé, et, souriant avec cette ironie fine qui allait bien sur sa lèvre, « Oui, mon cher, je comprends, et vous avez tout à fait raison. d'autant plus raison que mon grand-père, le vieux marquis de Ravenel, n'a presque rien laissé à mon pauvre père, par suite de la mauvaise habitude qu'il avait de ne jamais ramasser la monnaie rendue par les marchands quand il payait un objet quelconque. Il trouvait cela indigne d'un gentilhomme et donnait toujours la somme ronde et la pièce entière. Et Gontran sortit d'un air très content.